Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Nous allons parler d'un ouvrage assez riche, assez dense, assez plein, en compagnie de son auteur, Trinh Xuân Thuan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui va paraître dans quelques semaines, La plénitude du vide. Non, 1er septembre. Le 1er septembre, très exactement. C'est ça. Donc c'est bientôt, 2016. La plénitude du vide, donc, qui paraît chez Albin Michel. Un livre qui, dans son titre, est un presque oxymore. Oui, c'est La plénitude du vide. Donc, un vide, mais qui est plein. Voilà, et ça, c'est... Ça a été un débat constant à travers les siècles, en fait. Et il y a une différence assez intéressante entre la pensée occidentale et la pensée orientale aussi, ce concept. Ouais. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous présenter, même si beaucoup de gens vous connaissent. Vous êtes astrophysicien, vous travaillez aux États-Unis, vous êtes professeur d'astronomie à l'Université de Virginie à Charlottesville. C'est où Charlottesville, d'ailleurs ? Charlottesville, c'est 200 km au sud de Washington. Au sud de Washington, et vous y travaillez depuis longtemps ? Oui, depuis 40 ans maintenant. Depuis 40 ans. Je suis là depuis 1976, oui. Vous êtes l'auteur, et c'est pour ça qu'on vous connaît beaucoup en France, de nombreux ouvrages de vulgarisation sur l'univers et les questions philosophiques qu'il pose. Bon, le plus connu est sans doute la mélodie secrète, mais ce n'est pas la seule. Vous poursuivez depuis quelques années... je dirais un travail de réflexion sur l'infini, le vide est, je dirais, un nouveau chapitre de cette réflexion. La première chose qui m'a surprise en vous lisant, puisque vous faites l'histoire de ce vide, c'est de découvrir à quel point les cosmogonies, donc les gens qui se sont intéressés à l'origine du monde, à la création du monde, avaient totalement, ou en tout cas très fortement éliminé toute idée qu'il ne pouvait pas exister de vide. Enfin, en tout cas, la notion de néant n'existait pas dans les cosmogonies. Dans beaucoup de cosmogonies occidentales. Donc, de nouveau, je reviens sur le contraste entre l'Orient et l'Occident. C'est vrai que dans les cosmogonies occidentales, les gens pensaient qu'il y avait toujours déjà un substrat primordial. Par exemple, l'eau. Par exemple, l'univers mythique égyptien, c'était l'eau du Nil qui était la... La substance primordiale, voilà. Et donc, ça a influencé, bien sûr, aussi la pensée philosophique d'Aristote en particulier, qui a eu une influence sur 20 siècles dans la pensée occidentale. Lui, il disait carrément que la nature a horreur du vide. Voyez, donc il y avait toujours quelque chose sur l'eau, la terre, le feu, les quatre éléments, et puis peut-être même un cinquième élément qui s'appelle l'éther. Empédocle avait introduit ça. Mais Aristote le reprend, et ça va, l'éther va jouer un grand rôle dans les discussions scientifiques d'ailleurs du 17, 18 jusqu'au 20e siècle, jusqu'à que Einstein de nouveau déclare que l'éther est mort. Bon, tout ça, c'est toute une histoire. C'est 25 siècles d'histoire, oui, que vous balayez. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est extrêmement dense, c'est que vous partez, je dirais, de ces cosmogonies et vous posez tout de suite la question. Elle est très importante sur le plan des mots. Est-ce que le vide, c'est aussi le néant ? Oui, il faut distinguer entre le vide et le néant. Alors, le vide, si vous ouvrez votre dictionnaire, il dit en général, c'est un espace qui est dénué de toute matière. Donc, le vide, déjà, suppose l'existence a priori d'un espace déjà, vous voyez, et puis on enlève toute matière de cet espace et on obtient ce qu'on appelle le vide. Mais le néant, c'est une conception philosophique qui dit que vraiment, c'est vraiment rien du tout, il n'y a même pas d'espace. Et donc, en général, donc en physique, l'espace joue un très grand rôle, bien que, bien sûr, la théorie du Big Bang maintenant dit que... l'univers a été créé en même temps que le temps et l'espace. Donc, qu'est-ce qu'il y avait auparavant ? On ne sait pas, parce qu'il y a un mur de la connaissance qu'on appelle un mur de Planck, d'ailleurs. Alors, oui. On va y venir, mais pour rester sur le néant, c'est aussi une connotation extrêmement négative. Néant, c'est sombre, c'est noir, c'est rien. Le néant, c'est la mort. Oui, c'est ça. C'est ce que Saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, identifier le néant au diable, d'ailleurs. Vous voyez, donc, il y avait même une connotation théologique très, très, très mauvaise. Oui, c'est... mais ça, c'est de nouveau occidental, je dis, parce que vous voyez, en Orient, dans la pensée hindouiste ou taoïste ou chinoise, en fait, les gens embrassent le vide, justement, le vide. Mais le vide qui est plein, de nouveau, vous voyez, ils disent toujours il y a le non-plein, mais aussi le plein, vous voyez. Et donc, cette conception que le vide va générer tout ce qui est plein, tout l'univers, qui se rapproche d'ailleurs étonnamment de la vision du Big Bang maintenant, enfin, les théories actuelles en tout cas, qui est un vide rempli d'énergie qui va donner naissance à l'univers et à tout son contenu. Vous pointez à juste titre quelque chose d'important dans votre livre, c'est cet aller-retour entre l'Occident et la pensée, bouddhiste, etc. Mais exactement. Oui. Est-ce qu'on a des informations sur justement la vision passée de ces sociétés non occidentales ? Oui. Donc, vous voyez, ça remonte très loin aussi de nouveau, 25 siècles, c'est Lao Tzu, c'est Bouddha, enfin, tous ces gens-là qui vivaient en l'an 2500, il y a 2500 ans, c'est ça que je veux dire, 500 ans avant Jésus-Christ. Par exemple, vous voyez, je vous donne un exemple. Les Grecs étaient très, très, très forts en mathématiques. Ils savaient bien que les mathématiques sont le langage de la nature. Donc, il n'y a qu'à voir le théorème de Pythagore, il y a la géométrie euclidienne. Et pourtant, ils n'ont jamais inventé le zéro mathématique. Parce que le zéro, de nouveau, est attaché au vide, vous voyez. Et ils avaient peur du vide. Et donc, il fallait que les Indiens viennent inventer le zéro mathématique au 5e siècle, seulement après Jésus-Christ. Comment comprendre que les Grecs avaient peur du vide ? Ils identifiaient ça au chaos primordial. Donc, il y avait donc ce vide qui est complètement chaotique. Et puis aussi, bon, le zéro, vous voyez, qui personnifie le vide, a des propriétés bizarres. Vous voyez, on ajoute zéro à un nom, à un chiffre, il est toujours le même, alors qu'en général, des chiffres qui s'ajoutent, d'autres chiffres augmentent toujours. Vous voyez, et puis le zéro est relié à l'infini, bien sûr. Vous prenez un nom, vous divisez par zéro, vous obtenez l'infini. Vous prenez un nombre, divisez par zéro, par infini, vous obtenez un zéro. Et donc, cette peur du zéro, du vide, donc, est liée à la peur de l'infini aussi, qui avait de nouveau des propriétés très bizarres, vous savez bien. Les Grecs étaient vraiment effrayés par cela. Par exemple, vous voyez, vous prenez par exemple, la suite des nombres entiers, par exemple, c'est une suite infinie. Vous soustrayez tous les nombres pairs, qui est une suite infinie. Vous obtenez donc la suite des nombres impairs, qui est aussi une suite infinie. Donc, infini moins infini égale infini. Donc, tout cela, ça leur troublait. Et puis, donc, les Grecs même interdisaient de parler de ça. Et donc, c'est vraiment un effroi, parce qu'ils pensaient que ce chaos donc, primordial associé au vide va propager le chaos dans la société actuelle aussi. Vous voyez, donc essayer de cacher ça à la populace en quelque sorte. zéro donc qui est pour les mathématiciens l'équivalent du vide, pour les physiciens, donc vous le rappelez, est inventé en Inde. Oui. Il est extraordinairement efficace. Oui. Il peut donc d'abord être utilisé pour écrire tout nombre en des chiffres, parce qu'il suffit de mettre un zéro, par exemple, pour dire qu'il n'y a pas... Donc, par exemple, 101, par exemple. Donc, 1, il y a une unité, mais il n'y a pas de dizaines, donc il suffit de mettre un zéro, et puis le premier 1, c'est la centaine. Donc, on sait maintenant... Auparavant, on ne pouvait pas faire ça. Donc, comme les Romains, par exemple, 101 ou 1001... Il devait écrire ça en toutes lettres, vous voyez. Et c'était difficile aussi de calculer des choses, donc de passer de l'oral à l'écrit et calculer des choses avec des choses écrites. Et donc tout ça va... l'invention du zéro va extraordinairement simplifier les calculs, et donc les commerçants l'adoptent tout de suite. Enfin, le système économique va bénéficier énormément de cette invention. Et puis, bon, nous savons tous maintenant, vous savez, même quand nous Regardons notre compte en banque, tout ça, nous utilisons les zéros, les non-zéros tout le temps. Quand il y a beaucoup de zéros derrière un chiffre, ça veut dire que c'est important. Oui, tout à fait. Vous m'avez incité à relire un sketch de Raymond Devos qui s'appelle « Parler pour ne rien dire » où il dit « car rien, ce n'est pas rien, la preuve, c'est qu'on peut le soustraire ». Exemple, rien moins rien égale moins que rien. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. En le multipliant une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup, mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose et pour pas cher. Oui, oui, très fort. Oui, oui, mais il blague sur les propriétés mathématiques du zéro qui effrayaient tant les Grecs d'ailleurs aussi. Alors, comment, parce qu'on a un peu insisté sur ce zéro, mais comment passe-t-on finalement de cette représentation du vide avec le zéro mathématique, hein, on l'a dit, je dirais, une vision d'interrogation, une interrogation sur la nature de l'univers et sur ce vide. Comment le vide apparaît dans la pensée scientifique ? Oui, donc là, comme vous le disiez à l'instant, le vide, bien sûr... est liée à la cosmogonie. Donc, dans certaines choses, l'univers part de quelque chose. Donc, soit du vide ou de quelque chose. Et on l'a dit, en Occident, il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait quelque chose parce que, justement, à cause de l'effroi du vide. Mais il y avait des opinions dissidentes quand même, comme Leucippe et Démocrite, qui sont les pères de l'atomisme. Ils pensaient que le vide était nécessaire pour que les atomes, donc ils avaient déjà le concept des atomes, bien sûr, des particules insécables qui forment le fondement de la matière. Il fallait du vide pour que les atomes bougent et puis aussi qu'ils pensaient aussi qu'il y avait des vitres dans les atomes aussi. C'est une intuition qui sera valable beaucoup plus tard parce qu'on sait maintenant que, vous voyez, le noyau atomique n'occupe que 10 puissance moins 15, par exemple, du volume total de l'atome. C'est vraiment la matière qui nous entoure, en fait, effet de vide, pratiquement. Donc, il y avait des voix dissidentes quand même. Par exemple, les stoïciens pensaient que la sphère, au-delà de la sphère des étoiles, il y avait un vide. Voilà. Donc, mais le prestige d'Aristote qui déclarait que la nature a horreur du vide était telle que ça dominait la pensée occidentale pendant 25 siècles. Aristote et Platon. Oui, Aristote, Platon aussi. Platon, bien sûr, aussi. Aristote étant l'élève de Platon. Tout à fait. C'est une vision du monde qui l'a emporté sur une autre. Exactement, exactement. Et c'était tellement fort que, bon, cette vision a prévalu. Vous savez bien, la vision aristotélicienne du ciel a prévalu... dans d'autres domaines, il a fait dommage à la science et au progrès de la science jusqu'à la Renaissance. Voyez, parce que, par exemple, Aristote pensait que le ciel et la terre étaient gouvernés par des lois différentes. Voyez, le ciel est la résidence de Dieu. Dieu étant parfait, on ne peut pas améliorer ce qui est déjà parfait. Donc, le ciel ne peut pas changer du tout, ce qu'on appelle l'immuabilité aristotélicienne. Et tout ce qui changeait dans le ciel était dû des atmosphères, des phénomènes atmosphériques, selon eux. Donc, c'est seulement à la Renaissance que Tycho Brahe, découvrant des planètes, des comètes, etc., et démontrant qu'ils sont bien au-delà de l'atmosphère terrestre, remet en doute tout ça. Vous voyez, donc, donc, le vide aussi va être mis en doute, d'ailleurs, par les scientifiques de la Renaissance, parce que pour la première fois, à la Renaissance, des gens comme Galilée, Pascal, etc., vont surgir pour Galilée, Torricelli, Pascal, von Guericke, vont faire des expériences pour démontrer que la nature n'a pas horreur du vide et qu'en fait aussi, il va démontrer en même temps que l'air que nous pensons qui nous entoure, enfin l'espace qui nous entoure, qui nous semble vide, est rempli d'air, d'atmosphère. Donc ça, c'est des découvertes très importantes, bien voilà, sûr. Voilà, vous passez du temps dans la plénitude du vide, donc votre livre, à détailler ces expériences parce qu'elles sont quand même extrêmement fondamentales. Tout toute la fait. Physique sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui est basée sur ces premières observations et vous racontez aussi les histoires. Vous avez dit Torricelli, Pascal, c'est des histoires humaines. Oui, tout à fait. Et c'est passionnant d'ailleurs. Torricelli, vous savez, c'était l'élève de Galilée. Et Galilée avait remarqué les pompes à vide ne pouvaient pas pomper l'eau à plus d'une certaine distance au-dessus du fossé. Et donc, il était très intrigué par ça. Et la réponse fut, en fait, finalement, découverte par son élève Torricelli, qui, au lieu de mettre de l'eau, il utilise le mercure parce qu'il est beaucoup plus dense, donc les éprouvettes peuvent être un peu plus petites pour faire ses expériences. Donc, il met du mercure dans une éprouvette, il bouche l'ouverture de sa main et puis le retourne dans une cuvette. Et il s'aperçoit que le mercure monte, vous voyez, monte dans le tube à éprouvette. Mais il y a toujours du vide dans l'éprouvette aussi. Et ça, donc, pour la première fois, il crée un vide expérimental, vous voyez, parce que l'air et le mercure ne pouvant pas coexister, vous voyez, donc quand le mercure n'est pas là, le vide doit être dans l'éprouvette. Et le mercure monte invariablement toujours la même hauteur. Donc, si vous faites ça au niveau de l'océan, par exemple, c'est 76 cm. Et il démontre, en fait, c'est la pression de l'air sur le mercure dans la cuvette qui fait monter le mercure dans le tube. C'est en fait le principe du baromètre. Ben hein, il apprend à peser l'air. Oui, c'est ça. Et il démontre qu'il y a de l'air. Donc, c'est ça, parce qu'auparavant, on ne savait pas. Et puis, Pascal va encore faire ça de manière encore plus précise. Il se dit que si l'air n'exerce pas la même pression en fonction de l'altitude où on se trouve, parce que bien sûr, si on va dans la montagne, il y a moins d'air, donc il y a moins de pression. Donc, si vous abonnez votre tube à mercure, le mercure devrait moins monter. Voyez, et il demande à son beau-frère, parce qu'il est malade, le pauvre, et il fait ça, cette expérience au Puy-de-Dôme, parce que la vie à Clermont-Ferrand. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, ce sont des histoires extraordinaires, et Pascal a refait ça, que le mercure est différent, donc monte un peu plus au bas, la Tour Saint-Jacques à Paris, qu'en haut, la Tour Saint-Jacques. Donc, vous allez à Tour Saint-Jacques, vous avez une plaque qui dit que Pascal a réalisé cette expérience-là à Paris. Ça, donc, tout ça, ce sont des expériences assez extraordinaires et une aventure humaine, comme vous disiez tout à l'heure. Vous voyez, Von Guericke aussi, qui est donc le maire, on l'appelle le bourgmestre en Allemagne. Et lui, il fait... donc c'est à Magdebourg, hein, l'expérience s'appelle les hémisphères de Magdebourg en Allemagne. Et donc il a deux hémisphères, vous voyez, en acier, et il les rassemble ensemble en une sphère, fait le vide dans la sphère, et puis donc il démonte et il fait venir deux attelages de chevaux, de 8 chevaux chacun, pour les tirer. Il n'arrive pas à tirer 8 chevaux, vous voyez, et à cause de la pression énorme de l'air, de l'atmosphère sur les sphères, parce qu'il y a le vide autour. Donc, dès qu'on introduit l'air, bien sûr, la pression est égale des deux côtés, et donc on peut séparer facilement les deux hémisphères de nouveau. Mais ce sont des expériences extraordinaires. C'est très simple, mais en fait, qui demande vraiment la pression de l'air. C'est aujourd'hui de la physique de base. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, bon, on sait maintenant que, bien sûr, l'atmosphère de la Terre a une couche très fine. Si on ramène la taille de la Terre à une orange, l'atmosphère, c'est seulement la peau de l'orange. Vous voyez, l'atmosphère qui est notre fluide vital en quelque sorte. Sans elle, nous ne serons pas là pour en parler. La vie ne pourra pas exister, ne pourra pas respirer, et puis il n'y aura pas de couche pour nous protéger des dangers de l'espace, les rayons cosmiques, etc. Les rayons X, gamma, etc. Voilà. Donc ça a changé complètement la vision de l'homme par rapport à sa planète aussi. Il faut dire que si dans leur voyage vers la Lune, les astronautes traversent plus d'atmosphère pendant les 10 premiers kilomètres que les 1000 kilomètres restants de la Lune, donc, parce que c'est vraiment une couche très très fine. Et puis donc, de là, bien sûr, on se demande maintenant qu'est-ce qui est au-delà de l'atmosphère terrestre. Il y a un vide intersidéral énorme, bien sûr. Oui.